Et que sous nos yeux les traits se révèlent. Et que la vie est telle que personne ne nous aide. Il aura fallu une tête coupée de surcroît pour qu'abolisse la peine. J'aurais dû m'effacer pour ne pas contaminer les seins. Et si les amours s'estompent et que son règne s'achève, alors il est temps de creuser un tombeau pour enfermer la scène. Et y aura-t-il plus jamais tous ces goûts affinés? Savais plus comment faire pour aimer, et que d'un peu tout sur terre la haine revenait. Alors le sens de la vie est tel que l'on est fait pour tuer. Pour rester sous les lois qui ne font que peur, je n'aurais jamais dû exister pour notre bonheur. Jamais aimer plus que soi.